Si commence le livre de Fauvel. En étable, il a maison plus honorable. Avouer veut hautement jouer et râtelier de grandes affaires. Il s'est hébergé en la salle pour mieux démontrer son régal. À raison, le fait seigneur de sa maison. En lui est sauchié, maître grand taïne, car elle palais royal le main. De lui faire honorer ne cesse, entoure Fauvel à si grande presse, de gens de toute nation et de toute condition, que c'est une trop grande merveille. N'y a nul qui ne s'appareille de torchier Fauvel doucement. Nam sed ut de faveur descend flatterie, qui demande à la seigneurie, et puis en descend avarice, qui de torchier fauvel nénisse, vilanie et variété, et puis envie et lâcheté. Ces six dames que j'ai nommées sont par fauvel signifiées. Ce ton entendement veut mettre, prend un mot de chacune lettre de fauvel qui s'y règne en terre par différences et par guerre. Sans richesse, mais or, en a si grand largesse, son successeur, que c'est merveille, que fauvel étudie et veille à lui porter flore assez, ne sinon peut être lassé. Hélas, comme malentendement que par ce voyant sainte église, tributaire et au-dessous mine, mais je croyais que si n'a pas si, qui a aussi belle onque veillisse, ne qui de tel parler oïsse. Si belle est tuée que par syncôme, se parouait œuvre de fantôme, il est tué d'un or d'archémie, semblant fin, mais ne le fut mis. Et caveas petium Ce Jésus-Christ me sauve, trop grand foison de sa ménie. Maouti haute belle compagnie, il y fut bara, baulerie, faussard, tripot et tricherie, mur de trahison, robberie, nés parjurés et fouet menti. Par la salle entour, les piliers furent à monts et à milliers, entour, fauvel et sa chair, loin et près, devant et derrière. Lors, ne sais pas, Fauvel, t'eu, un bâton sel teint de seuil, ne semblait pas qu'il eût rime, en haut, par là, tel est son tiu. Seigneurs et dames qui s'y êtes, menez de vez jouets et fêtes, car vous êtes de mon ménage, et tous êtes de mon lignage. Et si, vu que notre affaire va si bien qu'il nous doit plaire, je suis aujourd'hui roué et sire, et du royaume et de l'empire. Vient à volonté. Moutes suis riches et bien rentées par mon sens et par ma fallace. J'aille bien de fortune la grâce, du tôt à mon vouloir tourni. Moutes m'a donné grande seigneurie du monde qui est sa maison, m'a fait seigneur, malgré raison. Or, ai-je pensé d'autre part, que fortune quitte au départ, il ne peut être qu'elle ne m'aime qu'en si grand honneur en moi s'aime. Puis qu'elle m'a fait si grand maître, il ne pourrait nullement être qu'elle ne m'ait sans fallace donné s'amour et sa grâce. Et elle n'est pas mariée, ne moi aussi qui a libé un, et croit qu'il y en parlerait que moult tôt s'y accorderait. Et ce, j'épouse et l'avoué de sa roue maître serouet. Come se non vedi che umano se tegne, come ti vedi nessun luogo di tutti, come ti vedi fuori, se ti si spera, di che poi si fosse scelto, come ti vedi fuori, se si spera, di che poi si fosse scelto, come ti vedi fuori, come ti vedi fuori, come ti vedi fuori, I'm going to go to the hospital. sans regarder raison ne louer, répond le conseil sans délouer. Sire Fauvel, noble impérial, bien devait souhaiter en chair et gouverner très tôt l'Empire, car à vos sens rien ne s'attire, votre engin tout seul monte et passe, malgré qu'on ait raison la lasse, ne léauté, ne vérité, tout avait bien supédité, votre majesté est souveraine, dessus toute vertu humaine. Quand Sire Fauvel haut oï son conseil, Maud s'en est joui, car il est toujours mot à aise quand on lui dit ce qui lui plaise. Tantôt commandant mal et trop sont ernoués pour s'en aller vers Fortune, l'aventureuse. Deux roues hautes devant Fortune, qui toujours tournit, mais l'une va tôt et l'autre lentement. Et en chacune vraiment à une membre roue mise tôt par-dedans et à telle guise comme mouvement contraire tient contre la roue elle se tient et ses roues sans séjourner font l'état du monde tourner. Diversement me tremporte et ma manière aussi est double. Aux uns suis belle, aux autres trouble. Je suis fille du roué des roués, qui le monde et tous ses déroués me commet si que je digère, tant aussi comme il plaît à mon père, car mon père bien dire l'ose, sans raison ne fait nulle chose. Entends, bête de mal renom, j'ai tôt à aux mains quadruple nom, mon droit nom si est providence qui m'est donné pour ce et en ce que j'ai pouvoir de louer, m'veuer, tôt si comme il doit échouer. Mon second nom est destiné qui fat sainte et autrefois nommée, et c'est-à-dire proprement envoyée au mouvement, si que en tant comme je m'applique à mouvoir ma roue authentique, mon tiers nom est Cataventure, qui vient sauvant, ou mal, ou dur, parcours de causes non sues, jusqu'à temps qu'ils sont avenus, du carnant suit fortune dite. Et pausez fortune, la dame, ne suis pas tel garçon, femme. La belle, la décevante damoiselle, Fauvel, cette sera par mame, trop faitisse et trop propre femme, car tu es vain et elle est vaine, va, s'il épouse et s'il emmène, car je le veuille et s'il le loue, va, s'il apprend de son marou.